C'est la mort aux trousses, le podcast qui... Bonsoir. Bienvenue sur le podcast La mort aux trousses, le podcast qui tousse, pas encore, depuis Toulouse. Je m'appelle Marion, donc je suis de Toulouse, je suis originaire de Pau. Et... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis doctorante en études germaniques, voilà, à mes souhaits. Et sinon, eh ben, voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'aime gueuler sur les jambes droites. J'aime la littérature américaine et Bruce Springsteen. Super, et moi, c'est Claire. Je suis aussi originaire de Pau, j'habite à Toulouse avec Marion. Je suis aussi doctorante, mais moi en civilisation américaine. À tes souhaits. À mes souhaits. Merci. Je suis une personne qui aime les artichauts, qui aime aussi beaucoup le fromage et qui aime les gens qui tombent, qui rit beaucoup aux gens qui tombent. Et voilà, on a décidé qu'on allait utiliser notre temps si précieux à l'élaboration d'un podcast complètement inutile. Et voilà, est-ce que tu veux expliquer à notre auditoire ce qu'on va en faire, ce podcast ? Bah, du coup, le principe, donc, ça nous est venu ce matin au petit-déj, jour 1 de confinement, que de toute façon, on n'avait rien d'autre à foutre, à part écrire nos thèses, je veux dire, accessoirement. Mais qu'on n'avait vraiment rien d'autre à foutre que regarder Netflix, voilà, écouter de la ZICMU et lire des livres. Et qu'entre-temps, eh ben, on allait peut-être voilà, essayer de contacter aussi les autres gens qui sont en confinement autour de nous. Parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont notamment partout en France, mais surtout partout dans le monde. Et que ce serait quand Un peu cosmopolite. Ah ouais, hein. Citoyenne du monde. Et qu'on s'est dit que voilà, ce serait intéressant de discuter de comment ça se passe le confinement pour eux. Que ce soit aux Philippines, au Canada, en Allemagne... ou à Rennes. Parce qu'on a enfin, c'est quand même assez exceptionnel qu'il se passe quelque chose qui touche en fait le monde entier. Donc du coup, c'est sympa de pouvoir voir comment ça affecte des pays reculés, enfin reculés de nous. Mais comment ça marche, quoi, tout ça. On vit une époque formidable. Ah oui, vraiment. On n'a pas fait mieux depuis la grippe espagnole. Ah oui, bah non. Vraiment. Et déjà, c'était pas mal, tu vois. Enfin, la grippe espagnole qui n'a rien d'espagnol, d'ailleurs. Mais, mais à part que peut-être qu'elle a fait beaucoup de bruit et qu'elle portait un mulet. Je ne sais pas. J'ai pas vu la tronche du virus. Mais ouais, voilà. Donc, en fait, on a décidé de faire ça et de contacter nos copains et nos copines qui sont à l'étranger. Donc pas pour ce premier épisode, parce que ben, comme Marion l'a dit, on l'a décidé ce matin, donc on n'a pas encore, prévu exactement tout ça, mais ça démarrera dès demain, on l'espère. Voilà, la mort vaut trousse, il faut savoir que c'est absolument pas de nous, en fait. On a trouvé ça sur Twitter et ça nous a fait beaucoup rire, donc merci au Twitto qui a eu cette idée, c'était le hashtag... Détourne un titre, ouais, confinement un titre, je sais rien, un truc comme ça, quoi. Et on a trouvé que c'était très très drôle, donc merci à lui et voilà. Voilà, donc il faut savoir que c'est un truc d'improvisation totale, donc absolument pas parfait. Là, on est en train d'enregistrer sur un portable et... Depuis notre canapé. Depuis notre canapé, ouais, voilà, donc c'est... C'est perfectible, hein. Mais bon, voilà. De toute façon, on n'a rien d'autre à foutre en même temps. Et je crois que personne d'autre n'a rien d'autre à foutre. Ouais, complètement. Donc, alors autant se marrer un peu. C'est sûrement un podcast qui sera écouté par les gens qui ont épuisé toute autre forme de divertissement, de toute façon. Oui, donc, de toute façon. C'est un truc de gens au bout du Rolls. Au bout du Rolls, au bout du scotch. Donc voilà. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet, à savoir, il se passe quoi ? Il se passe quoi, les gars ? C'est incroyable, voilà. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Notre bon président Emmanuel Macron va parler ce soir, mais mais on ne sait pas ce qu'il va nous dire. Alors, il y a des rumeurs folles. Ah oui, c'est incroyable. Des trucs du type l'armée dans les rues. C'est ça. Tirer à vue sur les mecs à vélo sans ordonnance. Voilà, donc c'est un peu la panique. On entend tout et n'importe quoi. Genre, voilà, c'est la cousine du chien de, du mari, de la grande sœur du dentiste. Qui a des amis très haut placés. Qui a des amis très haut placés. Qui a dit que loi martiale, toucher rectal de tous les aînés de chaque foyer. Des conneries comme ça, quoi. Donc vraiment, on ne sait plus trop quoi croire. Et pour une fois, en fait, il va falloir... Enfin, la source sûre, c'est quand même notre présidente. Et ça, c'est quand même un comble. C'est quand même terrible. Ce sera quand même une première. Voilà. Notre président qui s'est découvert une conscience... révolutionnaire marxiste. Ouais. Et c'est incroyable, quand même. Il s'est levé un matin et s'est dit, putain, le service public, les hôpitaux, c'est quand même... En fait, ça sert à quelque c'est chose. C'est quand même quelque chose. C'est quand même fou, non? Et regardez ce que j'ai découvert ce matin. Incroyable. Voilà. Les infirmiers. Ah ouais. C'est personnes fantastiques. Donc voilà, on attend pour une fois avec impatience son discours. Ouais, j'aurais jamais cru dire ça quand même. Ouais, bah, écoute, ça arrive. C'est comme quoi. Voilà, comme quoi. 2020, comme... année des surprises, hein, vraiment. Année des surprises, une année, mais vraiment qui démarre sur les chapeaux de roue. Très, très fort. Et voilà, est-ce qu'on va arriver à la fin? Ça, je sais pas trop, mais. Enfin, j'ai ma petite idée sur les personnes qui n'y arriveront pas. Louis, par exemple. Voilà, on a décidé, Louis, ce sera un running gag. Vous le connaissez pas? Ouais. Mais voilà, le pauvre. Oui. Mais bon, c'est le mec qui a la pire schkoumoune de toute la planète, je pense. Voilà, vraiment. Il a déjà failli mourir trois fois depuis janvier. Depuis janvier, c'est et c'est pas fini. Ouais. Voilà, donc une pensée tendre pour lui. Pas si tendre que ça non plus, parce que oui, puis de loin surtout et derrière un masque. Puis de loin, voilà. Surtout Louis, reste chez toi. Pitié, reste chez toi, Louis. vous avez, enfin, on a tous cet ami là. Je vous incite à penser à votre Louis. Oui, à votre Louis. Pensez à votre Louis. Hashtag je suis Louis. Voilà. Mais ouais, donc du coup, il y a toutes ces rumeurs et toute cette panique. On voit tous ces gens qui se ruent sur le PQ. À l'Intermarché, en bas de chez nous, il n'y a plus de pâtes et plus de riz. Ouais. Ce qui est un peu débilos, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, les gars. Ouais, calmos quand même. Voilà. Ruez-vous sur des conserves aussi, enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Quitte à vous ruer sur quelque chose, bah oui, autant varier, quoi. Enfin... Non, parce que 3 kilos de pâtes tout seul, ça reste 3 kilos de pâtes dégueulasses. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, si t'as pas un peu de parmesan ou des petites tomates confites à mettre par-dessus, ça ne sert quand même strictement à rien. Ouais, c'est clair. Et t'as l'impression que les gens, vraiment, ils sont là. Voilà. Tout ce qu'on pourra cuisiner, c'est ça, tu vois. Genre, ouais. Alors, pillons, mais pillons intelligemment. Mais oui, bien sûr. Nous, par exemple, alors déjà, on a pillé une semaine avant tout le monde, parce que. Et quand même, non mais bon voilà, on fait un doctorat. Oui voilà. On réfléchit là-dedans. Il fallait bien ça. Il fallait bien un bac plus 12 000 pour anticiper. Donc nous, on a pillé avant les autres. Mm-hmm. Mais on a pillé des trucs genre des lentilles. Des pois cassés, voilà. Enfin, des fèves. Farandole de conserve. Voilà. Plein de conserves. Du surgelé aussi. Non, parce que ça, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai acheté du surgelé l'autre jour. Ah non, je n'ai pas vu. Ouais, des haricots plats. Bah du coup des fèves mais congelées. Mm-hmm. des gros petits pois parce qu'on avait des petits pois. J'ai pris des gros petits pois. Parce que voilà, on sait jamais, il faut être dans la diversité. Non, c'est mais bien. Ouais, voilà, je suis passée à Picard l'autre jour, j'ai acheté ça. Habile. Et ouais, voilà, enfin non mais le vin aussi, moi je commence à paniquer parce que hier je n'ai acheté qu'une seule bouteille de vin. Si on est confiné selon la rumeur de l'oncle de ma sœur, de du voisin, de qui connaît quelqu'un au ministère de l'Intérieur, voilà, si on reste confiné 45 jours, une bouteille de rouge, on va être serré. Ouais, on va être serré, on ouais. va être serré. Voilà, surtout que bon, personnellement, j'ai déjà demandé hier soir, est-ce qu'on n'ouvrirait pas le rouge? Non. Alors que officiellement, on n'est même pas encore en confinement. Donc voilà comment ça va se passer. Ça va être, on va voir combien de temps va durer la bouteille de rouge. Puis on va voir si on peut pas aller en piller une quelque part. Après, voilà, si toujours selon la rumeur oui, voilà. De l'oncle, de la tante, de la stagiaire, du docteur qui lui-même... a eu un jour un entretien avec un gars qui faisait du golf, avec, tu sais... Oui, voilà. Voilà, le ministre de la Santé. De la Santé. Bah, j'ai oublié la fin de ma phrase avec ces conneries. Non, non, j'ai oublié. Voilà. Mais toujours selon cette personne, voilà, l'armée, tout ça. Non, mais c'est surtout que non seulement on a une bouteille de rouge, mais on a aussi quand même deux bouteilles pleines de tequila. Mais est-ce qu'on a toujours deux bouteilles pleines de tequila? Mais oui, j'ai encore vérifié tout à l'heure, oui. Ah oui, d'accord. Bien sûr que oui. Ouais, mais bon, voilà, enfin, c'est vrai que la tequila, c'est... Non, on a quand même de quoi se marrer. Je veux dire, tu allies tequila... bourré, tu sais. Et... Bah, pourquoi pas, on s'en marre. Et... Vas-y, crache sur les passants. On s'en fout, on a que ça à foutre, de toute façon. Ouais, une fois de plus, on a rien d'autre à branler. Donc, tu allies tequila et, mettons, notre burger quiz. Je suis sûre qu'on peut faire des soirées sympas, à deux. Ouais. Ouais, voilà. Mon seul regret, c'est de vraiment pas avoir acheté un puzzle pour... Ou un Scrabble. Est-ce que ça aurait pas été ouf si on avait eu un Scrabble? Alors, on n'a pas 80 ans, donc non. Bah ouais, mais moi, je trouve que si, quand même. Parce que Scrabble, ça a l'air comme ça, mais franchement, c'est ultra drôle d'essayer de faire des mots genre enculé, trucs comme ça. Ah, oh, super. Ouais. Bah, nice. Oui, bah, tu n'as jamais ressenti le bonheur que c'est d'écrire bit au Scrabble. Non, bah non. Non, visiblement non. Non, je n'ai pas honneur. Bah ouais, mais bon, écoute. Chacun son truc. Tu vas mourir... sans avoir connu ça, c'est triste. C'est tout ce que je veux dire. Il faut que je vivrai avec. Ouais, bah, pas longtemps, hein, ouais. Visiblement. Parce que ouais. D'après le chiropracteur de... Non, j'arrête. Mais ouais, ouais. Mais je sais pas, écoute. En même temps... Alors, à part le coronavirus, on pourrait mourir de quoi, là? À part d'ennui, je veux dire. Est-ce que tu penses qu'on pourrait... Est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, on va arriver à plus supporter et genre... Ou moi te buter ou toi me buter. Buter. Ouais. Eh bien, ça pourrait être un challenge. T'essaierais de me buter comment? Comment j'essaierais de te buter? Oh bah facile, on vit au quatrième étage, moi je te balance du balcon. Ouais, mais les rambardes, elles sont quand même assez hautes, tu vois. Non, mais je dis, hé, viens voir, il y a un truc... Il y a Vincent Clair qui passe en bas dans l'autre rue, il rentre de son footing... Ah ouais, ah non, tiens. Non, mais Vincent Clair, il est beaucoup trop intelligent, il va pas aller faire un footing. Tu sais pas. Non. Parce que Vincent Clair, je pense qu'il a un jardin. Non, mais t'as vu sa baraque, il... C'est le jardin, Vincent Clair, c'est notre voisin, en fait. Oui. Et Vincent Clair, c'est un grand footballeur. Footballeur ouais, non, n'importe quoi. Waouh. C'est un grand rugbyman. Excusez-moi, c'est la bière. Pas du tout un footballeur, mais après, je suis sûre qu'il est très fort au foot, hein. Excusez-moi, c'est la bière. D'ailleurs, on a une bière. On a une bière. Ouais. Ben, bon, bref, voilà, de Vincent Clair, c'est un très grand rugbyman et il se trouve que c'est aussi notre voisin. Donc je pense que s'il doit faire du footing, il va le faire dans son jardin. Bon, bref, eh ben, j'essaierai de t'alpaguer pour te faire passer par-dessus le balcon. Mmh. Ouais, mais est-ce que plus je vais vraiment mourir? Ah non, mais ça... Quatrième étage, je peux c'est pas grave, mais tu restes en bas. Oui, mais tu restes en bas. Et comme il n'y aura personne dans les rues, parce que tout le monde sera confiné... Alors là, ben alors, figure-toi que là, je me traîne... Jusque dans l'ascenseur, péniblement. Ouais, très péniblement, parce que tu n'auras pas tes clés, donc tu n'auras pas le badge pour ouvrir la porte. Oui, mais bon, il y a déjà des connards qui viennent pisser contre notre ascenseur régulièrement et qui arrivent à ouvrir la porte. Moi, je peux te dire qu'avec la soif de revanche que je vais me payer, je peux me traîner dans l'ascenseur, monter au quatrième étage, boum. Oui, mais je t'ouvre pas. Je te tabasse. Je suis pas conne, je vais pas laisser entrouvert la porte d'entrée, genre « Ah, ça y est, j'ai buté ma coloc, mais par contre, je vais omettre de faire ma double tour derrière moi. Mmh, » ouais, non, tu vas bien sortir à un moment donné. Ouais, je te tendrai un piège. Enfin, high kick, je sais pas, parce qu'à mon avis, je serais quand même pas mal paralysée des jambes. Non, bah, accroche-patte. Ouais, accroche-patte, un truc comme ça. Enfin, bon, je vais trouver une solution. Je vais me cacher dans le local de poubelle. Sur lequel il y a écrit Internet. Tu coupes le Wi-Fi. Je coupe le Wi-Fi. Et je redescends au local poubelle, rallumer l'Internet. Alors ça, on n'a jamais compris. Le local poubelle chez nous, en fait, il est... Il y a marqué Internet dessus. Il y a marqué Internet dessus. Donc on s'en... Ça n'a aucun sens. Ouais. Et toi, comment tu me buterais? Moi, comment je te buterais? Je pense que je te buterais pendant la nuit. D'accord. Pendant que tu dors. Ouais. Je viendrais t'étouffer, tout simplement. Ah, bah bien. Dans ton sommeil. Parce que, ouais, voilà, surprise, je pense que je ferai ça. Après, ouais, non, tu vas te débattre et tout, donc ça va être un peu chiant. Est-ce que j'ai assez de force pour te tenir le coussin sur le visage. Je pense pas. Je pense pas. Avec tes ligaments croisés, je pense pas. Ouais. Du coup, il faudrait que je t'attache avant. Mais ça, tu vas te réveiller si je t'attache. Ouais, c'est chaud. Du coup... Bah alors, qu'est-ce que tu fais ? Il faudrait un truc vraiment, mais radical. Non, mais je pense que je t'assomme d'abord. Mais avec un truc. Ah, mais c'est horrible. Bah meuf, tu viens de me dire que t'as eu me jeter du 4e étage, s'il te plaît. Ouais, ok. Donc laisse-moi. Moi, je t'assomme. Mm-hmm. Après, je t'étouffe. Ah ouais. Par contre, après, je sais pas quoi faire. Mais ouais, hein. De ton corps. Qu'est-ce bah, que je pense que je te mets dans le local internet. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ni vu ni connu, je te mets dans le local internet. Mm-hmm. Et voilà. Je pense que ça va se passer comme ça. Bah nickel. Bon, rappelle-moi d'acheter un verrou pour ma porte. On va essayer de pas en arriver là. Ouais. Mais c'est comme ça que ça se passerait. Non, mais encore, nous, on est deux. Moi, j'imagine les gens en coloc, genre à 4-5. Ouais, ça doit être horrible. Alors, ça dépend. Parce que si t'as un grand appart et que t'as surtout pas un placard comme chambre, comme Louis. Ouais, comme ce pauvre Louis. Ah, pardon. Oui, ce pauvre Louis. Pauvre Louis. À la limite, bon, tu peux aller te recentrer les chakras et garder ton calme dans ta chambre, mais... Ouais, c'est clair, mais quand même, genre... Parce que là, se regarder dans le blanc des yeux... Après, quand t'es plusieurs, c'est-à-dire que tu fais plus de jeux, que tu fais plus de trucs aussi, tu vois. T'arrives moins vite à saturation, je pense, de tes colocs quand t'es nombreux, non ? Ben, je sais pas. Franchement, je me dis, en fait, quand t'as des grandes colocs... En général, les grandes colocs, c'est quand même à la base des gens qui se connaissent pas. Enfin, tu vois, c'est des trucs... Il y a du, ouais, y a du passage, quoi. Enfin, il y a du mouvement et tout. Et c'est pas forcément des super amis ou des trucs comme ça. Et donc, je me dis... c'est peut-être que là que les gens peuvent se révéler leur vraie nature et se rendre compte qu'en en fait, ils vivent avec des connards, quoi. Alors que nous, bon, on est assez au courant que... On a déjà fait une quarantaine de gales. Non, les gens sont pas obligés de savoir ça. Et donc, on sait à peu près où sont nos limites. On peut diviser l'appart en deux. Ouais, c'est vrai. Et voilà, mais bon, je pense qu'on peut arriver à gérer ça. Mais c'est vrai que les grandes colocs, bon, déjà plus de risques d'être contaminé, je pense. Parce que t'en as toujours un qui doit être là. Ouais, mais c'est bon, faut pas céder. À la panique, moi franchement je vais aller prendre un verre. Mais prendre un verre où tout est fermé? Je sais pas, genre il prend son verre et il va dehors. Son bras, tu sais. Prend une bouteille, ouais. Et il va dehors et fait moi franchement j'ai vraiment besoin de prendre l'air parce que tu vois, je fais un avec la nature. Alors moi je m'imagine vraiment des gros hippies dire ça. Et comme Louis finalement. Comme Louis, et en fait je vais faire de la slack, tu vois, et. Je vais slacker sur ce virus, moi. C'est ça. Et en fait, au final, ben, il chope le virus, chope des poux en même temps et il les refile à tout le monde, quoi. Alors que nous, au moins, ben, on a vraiment zéro raison de sortir, quoi. Et on n'est pas des salipis. Donc, je sais pas. Je pense qu'on a plus de chances de survivre à ce confinement que des colocs à plusieurs. Bon, on va vite s'en rendre compte, de toute façon. Oui, de toute façon, ça va être vite fait. Hein. On fera le point dans une semaine. On fera le point dans une semaine ou plus, parce que il paraît que ça va durer 4 mois, quand même. Je sais pas si t'as vu... voilà. Sur Complot Magazine. Sur Complot Magazine, ils disent que, ouais. Que c'est fini. Hein. Ah, c'est fini. Ouais. On ne sortira plus jamais. C'est la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Ouais. Ouais. Donc, bon... Mais en même temps, on a du confit... on a du chocolat. Ouais, pour combien de temps ? Ah putain, je sais pas. Je te rappelle qu'on fait un jeûne de sucre. Oui, parce que nous, attention, pas bête non plus. On a commencé un jeûne de sucre. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Qui doit durer un mois. Alors que concrètement, le sucre, on va en avoir besoin là. Oui. Donc il va se poser la question, est-ce que ce jeûne doit continuer ou pas ? Voilà. Suivant notre état mental, moral, tout ça... On va voir. Donc demain soir, à peu près, je pense que ça s'arrête. Donc demain soir, à mon avis, ouais. On défonce tout le chocolat qu'il y a dans l'appart. Voilà. Mais je sais pas. On fait une crise de foie qui dure deux jours. On fait une bonne grosse crise de foie. On prend ça comme étant un symptôme du coronavirus. C'est ça. On alerte absolument toutes les personnes qu'on a côtoyées. C'est ça. C'est la panique totale. Les gens vont dans les rues, s'entretuent. Je te bute, tu essaies de me buter. Tout le monde s'entretue et ce sera pour une seule et même raison. Voilà. Notre soif de chocolat. Voilà. La fin du monde, c'est comme ça que ça marche. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on est bon à peu près sur cette conversation. Je pense qu'on a fait le tour. Oh ben oui, je sais pas. On va finir nos épisodes avec des petites recommandations de films, livres, séries ou trucs à faire pendant le confinement. Donc Marion, tu recommandes quoi à notre auditoire qui est de 0 personnes pour l'instant ? Bah, tant que on a encore les internets et qu'on peut encore regarder la télé, moi sur Netflix, je ne peux que recommander pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série Gilmore Girls. Alors qu'il ne conviendra pas à tout un chacun, je suis d'accord, mais personnellement... Tu veux dire que c'est une série très virile ? Ouais, tout à fait. C'est vraiment que de la testostérone. Ouais. Hein. Il y a des bagnoles... Ah ouais, des grosses bagnoles... Des grosses bazoules. Ouais. Des grosses bagnoles, des grosses bazoules... Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Et des gros biscotteux. Voilà, tout à fait. Donc non, pas du tout, hein. mais... Mascu s'abstenir. Mais. Ouais, mais mascu s'abstenir de. Enfin, non, vous savez quoi, les mascus, sortez. Allez dans la rue, vraiment, léchez les barres de métro. Et voilà. Et voilà. Foutez-nous la paix. Voilà, très bien. Non, ben voilà, cette série est quand même assez extraordinaire. Mm. Et les épisodes durent 45 minutes et il y a à peu près, je crois, 7 saisons. Donc on est occupé pour un petit moment. Pas toute la quarantaine, mais quand même pour un petit moment. Donc. On commence par ça, et puis après, on verra les 172 saisons de Friends, ou voilà, enfin, on verra, on y va crescendo. On y va crescendo, ouais, exactement. Bah moi, je vais recommander une autre série, une série qui s'appelle Mad Men. Alors ça, pour le coup, les masculins, ils peuvent regarder Mad Men. Ils peuvent. Si tu le regardes sans vraiment esprit critique, tu dis oh, c'est un bon truc de bonhomme. Ouais. Et en fait, quand tu réfléchis un petit peu, c'est pas vraiment un bon truc de bonhomme. C'est une super série de ouf en général. Une bonne critique de la société en 1950. Mais pas que. Je pense que c'est aussi une bonne critique de la société aujourd'hui. Avec le fabuleux John Hamm et la fabuleuse Elizabeth Moss. Qu'on a vu notamment dans The Handmaid's Tale. Donc, ouais, c'est une série trop cool sur les mecs qui travaillent dans la pub dans les années 50. Donc, quand vous aurez fini Gilmore Girls, vous pouvez regarder Mad Men. Nous, on alterne parce qu'on a failli se battre hier pour savoir quel marathon on faisait. Je vous dis, ça part très mal, cette quarantaine. Et donc, du coup, on alterne entre Gilmore Girls et Mad Men, un épisode de chaque. Et c'est pas mal, voilà, ça fait deux salles, deux ambiances. Alors par contre, Mad Men, tu attrapes un cancer du poumon juste en regardant la série. Hein, parce que alors ça clope, mais... Ça clope à mort et ça boit beaucoup. Ah ouais, ça picole, ça clope, voilà. C'est 172 paquets de cigarettes par épisode à peu près. Exactement, alors que dans Gilmore Girls, c'est du café. Ah, café. Oui, donc on est bien sur l'addition. C'est du café, du gras. Et des fast-food. Ouais, voilà, fast-food, café, et puis clope et alcool pour l'autre. Donc vraiment, on est bien, on est sur du... Ouais. Voilà, mais bon, après, à côté de ça... Vegan s'abstenir, donc. Les vegans, regardez pas. Ah, voilà, les vegans, vous avez qu'à regarder... une plante. Je sais pas. C'est méchant, c'est réducteur. Une salade, si vous me préférez. Salade César. Putain. Bah voilà. Quelle est la chose qui a illuminé ta journée aujourd'hui, Marion ? Alors illuminer ma journée, c'est quand même bien grand mot parce qu'il fait quand même super moche aujourd'hui. Mm. Et que j'ai pas réussi à travailler sur ma thèse parce que avec les 8000 rumeurs du gynéco, du ministre de la Santé et de sa cousine. Ah, j'ai entendu ça là aussi. Ah, tu l'as entendu ça là aussi, ouais, c'est chaud. Voilà, donc du coup, ben voilà, alors sans paniquer, les gens autour de moi aussi commencent aussi à se dire « Ouais, est-ce que je rentre chez mes grands-parents à la campagne ?» On leur dit « Ben non !» En fait, oui, surtout pas tuer papy mamie. Non, voilà, tu fais un effort, tu restes quoi, très dans ton appartement, c'est chiant, mais c'est chiant pour tout le monde. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. Seuls, mais quand même dans le même bateau. Donc voilà. Donc essayer de voilà de rassurer aussi les copains qui essaient de rentrer de l'étranger, voilà. Donc ouais, pour illuminer tout ça. Putain, ça a été chaud hein, quand même. Si, bon, on s'est quand même bien marré à faire le générique. Bien pourri. ouais, bah on a fait le conservatoire, je pense que ça s'entend un petit peu. Ouais. Ouais, voilà. Personnellement, je me retrouve vraiment beaucoup dans le film Whiplash. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça a illuminé ma journée. Ouais. Voilà, de manière éphémère, mais quand même. C'était déjà pas mal. Et ben moi, écoute, j'ai vu une vidéo sur Twitter d'un ours, c'est un grizzly, qui est vu et capté tous les soirs sur les vidéos de caméras, enfin des caméras, trucs de surveillance, là, vidéo surveillance. Et en fait, tous les soirs, il va se baigner dans une piscine publique, okay, en Bulgarie. D'accord. Et du coup, c'est juste lui qui nage dans la piscine publique, il chill à mort dans la piscine, et genre, tu le vois un peu sur le rebord de la piscine, comme ça. Et j'ai trouvé ça super. Cette espèce de gros grizzly qui vient tous les soirs se baigner, discretos. À part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc du coup on va peut-être conclure. Et ben voilà. Voilà, hein, écoutez, restez couverts. Restez à couvert. Restez à couvert. Et puis le premier qui sort, fan de capable.